بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في التواصي بالحق والتواصي بالصبر من خلال موضوع لأحد طلاب العلم وضعه في موقع سحاب السلفية، ونسأل الله لنا ولكم عدم التلون في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق مهما كانت الظروف والفتن، مهما كانت الظروف والفتن كما ترون كثرت والشبهات عظمت وأصبح لها دعاة ومروجون، فالله المستعان. إذنك voici une autre assise, une nouvelle assise dans le fait de se conseiller mutuellement la vérité et la patience et l'endurance. Et cette assise se fera à partir d'un sujet posté par l'un des demandeurs de science dans le forum ou la Salafi, qui est là, le site de Sahab, Salafia. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons, nous et vous, des gens qui ne se colorent pas dans la religion et qui ne changent pas de position dans la religion et de tendance. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous qu'il nous raffermisse sur la vérité et dans la vérité, malgré les situations ou malgré les perturbations qui se trouvent autour de nous. Voyez que devant vous, les perturbations sont nombreuses. Les ambiguïtés, il y a des déluges d'ambiguïtés chaque jour qui arrivent. Et les ambiguïtés ainsi que le fitan ont leur prêcheur maintenant. Et dont des gens, il y a des gens qui propagent et qui sont des haut-parleurs des ambiguïtés. Donc voilà, كل لا زال موضوعنا متواصلا في الكلام عن التحذير والرد، سواء عجب هذا الكلام بعض الناس أو لم يعجبهم، فنحن لا نلتمس رضا أحد، لكن نريد رضا ربنا، ويكفينا أن لنا سلفا معتبرين في هذا الاتجاه، وبإمكاننا أن نذكر أكثر من 1000 إمام كانوا قائمين بهذا النصح للأمة عامتها وخاصتها. أن الله عز وجل De toute façon, nous continuons sur ce sujet que nous avons commencé depuis jeudi, qui est le fait de parler des avertissements et de la réfutation et de la réplique. Que ceci plaise à des gens ou là qu'il ne leur plaise pas, cela est égal. Nous, on ne cherche pas l'agrément des gens, on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous suffit que nous avons des pieux prédécesseurs sur ce chemin. Ici, on va pour les citer. Ça va durer trop longtemps. On pourra citer plus de 1000 imams qui étaient sur cette voie et qui accomplissaient ce grand devoir qui est le fait d'avertir contre le mal et contre les gens du mal, et qui est le fait de conseiller la communauté, le commun de la communauté, ses particuliers et les débutants dans la science, et ainsi de suite. فالموضوع إخوة الإسلام اليوم هو الرد على من يزعم أن تحذير العوام والناشئة والمبتدئين من أعيان المبتدعة ومناهجهم فتنة لهم وليس ذلك من الحكمة. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la réplique à ceux qui prétendent qu'avertir les nouveaux et les débutants et le commun des musulmans et les nouveaux convertis et leur faire savoir la voix des innovateurs et de leur parler des innovations, ceci ne fait pas partie de la hikmah. إن بعض الناس إخوة الإسلام لا يرى التحدث مع العوام وطلبة العلم المبتدئين في مسائل الكلام في أعيان المبتدعة وبين انحرافاتهم المنهجية، ويزعم أن مثل هذه المسائل تكون فتنة لهم وسببا لنفرتهم عن قبول الحق وأهله، مستدلا بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. certains personnages voient pas qu'il faut parler au commun du musulman et aux débutants dans la science et aux nouveaux convertis de leur parler des individus des emblèmes de l'innovation et de leur parler de l'égarement de ces emblèmes de l'innovation. Il prétend que ces sujets se sont une fitna pour eux, et c'est une cause pour qu'ils se sauvent et qu'ils n'acceptent pas la vérité, qu'ils s'éloignent des gens de la vérité. Prenons comme preuve la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans son authentique, qui a dit: si tu parles à des gens avec des choses et des sujets que leur raison ne capte pas, ça va être une fitna pour eux. La parole est véridique. بل يدعي أنه ليس من الشرع ولا من الحكمة ولا من العقل أن يحذر طالب العلم من أحد أعيان المبتدعة في المجالس العامة، أو يعتقد أن التحدث بمثل هذه المسائل مع هؤلاء يناقض طريقة العلماء الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، أو يعارض أصل التدرج في التعليم والدعوة إلى الله بدعوى أن عقول العوام والمبتدئة في هذا الوقت لا تدرك مثل هذا الخطاب. وهذا فهم خاطئ وتأصيل بعيد عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، يؤدي إلى عواقب وخيمة، فينبغي التنبه له والحذر منه. Mais au-delà de ça, ils prétendent que ceci, le fait d'avertir les nouveaux et le commun, ne fait pas partie de la législation, ni ne fait partie de la raison, ni ne fait partie de la sagesse. Qu'on avertisse, que le demandeur de science avertisse ses nouveaux et ses communs contre eux, des personnalités particulières en les désignant dans les assises publiques avec le commun des musulmans. Et il croit que le fait de parler de ces sujets-là avec les nouveaux et avec les communs, ceci est en contradiction avec la voix des grands hommes de science qui enseignent le biaba de la science et qui évoluent avec l'étudiant étape après étape jusqu'à l'amener au grand sujet de la science. Et il croit aussi que ceux-ci agissant ainsi, que ceux-ci est en opposition avec le fait de prendre l'étudiant et d'aller avec étape en étape dans l'enseignement et dans Dawa ilallah. Prétendant que la raison de ces communs et de ces nouveaux, à ce moment-là, ne peut pas capter ce message. Il n'est pas capable de comprendre ce message. Et ça, c'est une compréhension qui est fausse. Et c'est quelque chose qui est loin de la voie du pieux prédécesseur de Allah alayhim. Et ceci amène vers un but qui est blâmable, auquel il faut faire très attention. Il faut avertir contre ceci. يقول: والواجب أن يحذر طالب العلم والدعاة السلفيين عوام الناس من أهل البدع ومناهجهم، وأن يقتضى الأمر أن يذكرهم بأسمائهم، أو لم يتبين الباطل للناس إلا بالتعريف بأعيان فيذكرون على سبيل التعيين. Il dit: il est obligatoire aux demandeurs de science et aux prêcheurs salafis d'avertir le commun des gens contre les gens de l'innovation et contre les voix des gens de l'innovation. Et si la situation implique de les désigner par leur nom, qu'ils les désignent. Et si le faux est ambigu, il n'est pas apparu clairement aux gens, il faut désigner les têtes. Et désigner les têtes de cette innovation, pour que les gens fassent attention. وليس من الحكمة أن ينظر طالب العلم أو الداعية السلفي إلى عامي أو مبتدئ في الطلب يتردد على مجالس أهل البدع أو يشاهد ويستمع محاضراتهم أو يحضر دروسهم وخطبهم أو يطالع ويقرأ كتبهم ومقالاتهم فلا يحذره من هؤلاء بأعيانهم ولا يبين له انحرافاتهم بدعوى أنه الآن يعلمه التوحيد والسنة والعلوم الشرعية الأخرى ولا يريد إشغاله بمسائل التحذير والردود والرد والكلام في المخالفين في هذه المرحلة. Et ça ne fait pas partie de la sagesse et du fait de bien faire les choses que le demandeur de science ou le prêcheur salafi regarde la situation du commun et du nouveau demandeur. Il regarde que ce commun et ce nouveau demandeur de science, il va à certaines assises d'innovateurs et il écoute leurs conférences. Et il les regarde sur les chaînes de télé. Et il va alors khutab dial Jumu'a. Et il lit leurs livres. Et il lit leurs exposés. Hein? Et il l'avertit pas, ça fait pas partie de la sagesse de ne pas l'avertir. Et de ne pas lui désigner que ces personnes ce sont des innovateurs. Et ça ne fait pas partie de la sagesse de ne pas attirer son attention sur l'égarement de ces gens. Parce que tout simplement, il est en train de lui enseigner, dans un premier temps, le monothéisme, la sunna et les sciences de la législation autres. Il ne veut pas, prétendant qu'il ne veut pas le préoccuper au début de la demande avec les répliques et avec le fait de parler sur les divergents avec la sunna à ce niveau-là. فماذا يصنع هذا الداعي السلفي لو استقطب أهل البدع ذلك العام في أول الطريق قبل أن يصل معه إلى المسائل الكبار. Donc que va faire ce prêcheur salafi si les gens de l'innovation par le fait que lui ne parle pas de ses innovateurs et qu'il n'avertit pas ses nouveaux et ses communs va faire quand ses communs et ses débutants tombent dans le filet de l'innovation et ils font partie des innovateurs et tombent dans leur groupe et dans leur giron. Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? وكم يحصل مثل هذا الأمر في واقع الناس في هذا الزمن. Et combien cette situation arrive à notre époque? Bien, prenons comme exemple. Des fois, celui duquel on dit qu'il est salafi, il est invité par une grande mosquée qui est tenue par des sororis. Notamment, ça s'est passé chez vous à Bruxelles. Hein? Et il répond à leur appel. Il dit, moi je vais aller dire la vérité là-bas. Mais en disant la vérité, il a ouvert la porte à beaucoup de jeunes salafis qui sont tombés dans le filet après. Et qui y sont restés. Hein? Et après il a prétendu, mais certains grands hommes de science vont ces certaines associations déclater. Oui, mais au moins ce sont des hommes de science, dignes du nom. Ils savent ce qu'ils font. Mais toi, hein? Et combien il est pas normal que tu prends l'erreur d'un noble homme de science pour prouver l'acte que tu as fait. Hein? ورحم الله أحد السلف حين قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع للسنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع للبدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعي عن الإمام أحمد وذكره ابن بطة عن عمرو بن قيس الملائي رحم الله الجميع. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ses saintes miséricordes ce pieux prédécesseur qui a dit, si tu vois que le jeune au début où il commence à se former, etc., il est avec les gens de la sunna, espère en lui et un grand espoir sur lui, et si tu le vois qu'à ses débuts il est avec les gens de l'innovation, désespère de lui. car le jeune sera sur la situation sur laquelle il a grandi. Le début de sa situation, c'est avec les gens de l'innovation, mais il va grandir dessus. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre son cœur et le guide. Hein? Et ceci a été rapporté par Ibn Mufleh dans l'Adab al-Shar'iyya de l'imam Ahmed. Et cité aussi par Ibn Battah, il le cite de Amr ibn Qais al-Millai, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. فتحذير العوام وطلبة العلم الصغار من أعيان المبتدع الذين قد يتأثرون بهم من خلال القنوات الفضائية أو الدروس والخطب والكتب المنتشرة في واقعهم المحيط بهم واجب على الدعاة وطلبة العلم. Le fait d'avertir le commun et les petits demandeurs de science, le fait de les avertir contre les innovateurs qui ont un impact, qui vont avoir un impact sur eux, à partir des chaînes de télé, à partir de leurs assises d'enseignement, à partir de leur khutab du Jumu'a, à partir de leurs livres qui sont propagés, hein, ceci est une obligation pour les prêcheurs et les demandeurs de science. Je te donne un exemple maintenant. Regarde cette grande catastrophe qui nous est arrivée maintenant. Regarde combien de communs de musulmans maintenant sont influencés, hein, et parlent très mal sur Muawiya radiallahu anhu arda, sur Uthman ibn Affan et sur certains nobles compagnons. Pourquoi? Parce que tout simplement les éclatés des sororés font des débats télévisés avec Rawafid. Et que ces awam, ils sont là à écouter et après ils gobent tout ce que tu dis, c'est un pur Rafidi. Ils le gobent. Et après tu l'entends parler très mal de Muawiya, de Uthman ibn Affan, de etc. Hein? C'est pour ça que nos pieux prédécesseurs et parmi les grands de notre époque, ils renvoyaient tout un chacun qui venait chercher le débat, ils le renvoyaient, comme l'a fait Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala avec le mufti de l'Ibadiyya de Amman et autres. أما أن نغلق باب التحذير من أعيان المبتدعة مع العوام والمبتدئة تماما بدعوى تربيتهم على صغار العلم قبل كباره فهذا أمر لا يقبله شرع ولا عقل لأن هؤلاء العوام والناشئين هم أول وأكثر المتأثرين بأهل البدع وهم محل دعوتهم واستقطابهم أما طلبة العلم فهؤلاء يميزون بين الحق والباطل فكيف يكون الكلام في أهل البدع محصورا بين طلبة أهل العلم بين أهل العلم وطلبته فقط. Et quant au fait de fermer la porte de l'avertissement contre le fait d'avertir contre des individus bien précis parmi les innovateurs, devant le commun et devant les nouveaux demandeurs de science, prétextant qu'on va les éduquer sur la science en allant petit à petit, étape par étape, ceci est quelque chose qui n'est pas accepté ni par la raison, ni par la législation. Car ces communs et ces débutants, ce sont ceux le plus qui se font influencer par les innovateurs. Et c'est eux le sujet de la da'wa des innovateurs. Et ils les cherchent pour les avoir avec eux. Quant aux demandeurs de science, qui ont de la science, ceux-là, ils savent faire la différence entre le vrai et le faux. Donc comment, tout simplement, réserver le fait de parler sur les innovateurs, ils soient tout simplement à cercle fermé entre les hommes de science et les demandeurs de science. Eh bien, où est le conseil pour le commun des musulmans ? والحكمة في ذلك إنما تكون من خلال تحين الفرص المناسبة لمثل هذا التحذير والبيان واختيار الأسلوب الأفضل في ذلك حتى لا يقع ما يخشاه من الإعراض عنه والنفرة منه. Et le savoir-faire dans ce cas-là, c'est de choisir le bon moment pour avertir et éclairer sur ces innovateurs. C'est de savoir, de choisir le bon moment et de choisir le style et les expressions adéquates pour que cet avertissement ne donne pas le sens inverse. وليس تم تعارض بين التدرج في الدعوة والتعليم وبين الكلام في أعيان المبتدعة وانحرافاتهم والرد عليهم. Il y a aucune contradiction entre le fait d'aller dans la da'wa étape par étape et dans l'enseignement d'aller étape par étape et le fait de parler sur les leaders de l'innovation et sur leur déviance et de leur répliquer. Il n'y a aucune divergence entre ça et ça. فكما أن التدرج في الدعوة والتعليم أمر مطلوب شرعا وهو من الحكمة حتما فكذلك تحذير العوام والمبتدعة والمبتدئة من أعيان أهل البدع الذين قد يتأثرون بهم في مرحلة من مراحل التعليم أمر مطلوب شرعا وهو من الحكمة أيضا. Et comme le fait d'aller étape par étape dans la da'wa et dans l'enseignement est quelque chose qui est demandé dans la législation, et c'est ça la hikma, ben le fait d'avertir le commun et le nouveau et les nouveaux étudiants d'individus bien précis, de les avertir contre des individus bien précis qui sont des innovateurs dans la région, parce qu'ils vont être influencés par eux dans le début de leur interprétation, ceci dans le début de leur apprentissage, ceci est demandé par la législation et ça fait partie de la hikma. وَقْسُئِلَا الْعَلَّامَةُ الشَّيْخ رَبِيع حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّيْخ رَبِيع المجلد الأول الصفحة 218 ما هي الطريقة المثلى التي يسلكها الإمام السلفي لتعليم العوام أمور دينهم خاصة المسائل المنهجية؟ فإذا أراد مثلا يحذرهم من شخص أو من جماعة فما هو السبيل الذي يسلكه معهم لتعليمهم هذه الأمور خاصة وأن العامة ينفرون من مثل هذه المسائل؟ Et la question a été posée à son éminence Cheikh Rabi Hafdallahu Ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance, et qu'il lui donne la santé, et qu'il nous fasse profiter de la science, de sa science. Dans le verdict de Shifatawa, le tome 1 à la page 218, on lui pose la question suivante: c'est quoi la meilleure des manières que doit prendre un imam salafi pour enseigner au commun des musulmans leur religion et surtout les sujets concernant le minhaj, s'il veut les avertir contre des individus ou contre un groupe, c'est quoi la voie qu'il doit prendre dans le fait de leur enseigner ces sujets-là, surtout que le commun s'éloigne de ce genre de sujet. فكان جوابه وفقه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فإن على حملة العلم من العلماء وكبار الطلاب الذين شدوا في العلم أن يعلموا الناس ويبلغونهم رسالة الله في المدارس والجامعات والمساجد وفي الندوات وفي الوسائل المشروعة لأن هناك وسائل محرمة وهناك وسائل مشروعة إذا ظفر بها المسلم فعليه أن يستغلها لنشر دعوة الله تبارك وتعالى لأن العلماء ورثة الأنبياء. يلجي حفظه الله تعالى après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur son messager alayhi salam et ses nobles compagnons et ceux qui le suivent, il dit ceci dit, il est du devoir de ceux qui portent la science parmi les grands hommes de science et parmi les demandeurs de science qui ont un bagage scientifique d'enseigner aux gens et de leur transmettre le message d'Allah dans les écoles, dans les universités, dans les mosquées, dans les lieux, dans les tables rondes et dans tous les moyens légiférés. Car il y a des moyens qui sont légiférés et d'autres qui ne le sont pas. Et si le musulman, il a les moyens, il a cette possibilité d'utiliser les moyens légiférés, il doit les utiliser dans le fait de propager la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les hommes de science, ce sont les héritiers du prophète alayhi salatu wassalam. Yaqul والأنبياء دعاة إلى الله تبارك وتعالى، بعثهم الله ليدعو الناس إلى توحيده والإيمان به، والإيمان بما أوجب الله من الإيمان به من الإيمان بالرسل والملائكة والكتب والجنة والنار وما يتعلق بهما من البعث والنشور وعذاب القبر والمرور على الصراط وغيرها مما له تعلق بالعقيدة والدعوة والتعليم بالتفصيل بقدر ما يستطيع. Il dit et les prophètes عليهم الصلاة والسلام ce sont des prêcheurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour prêcher les gens vers le monothéisme et vers la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et vers le fait de croire en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire, hein, et vers le fait de croire en les prophètes, en les messagers, en les anges, en les livres, en le paradis, en l'enfer et tout ce qui a rapport avec la résurrection, et on le fait de croire en le châtiment de la tombe, et on le fait de croire sur le passage de Sirat et d'autres qui a rapport avec les croyances et avec la da'wa. Et Talim doit se faire en détail avec, selon les capacités. يقول والعوام يفهمون بالتفصيل بقدر ما يستطيع لأن هذه الأمور التي ذكرت الآن أساسية وعظيمة ولا بد منها. Il dit le commun du musulman il doit leur faire comprendre avec détail selon les capacités, car ces sujets qu'il vient d'annoncer ce sont des sujets qui font partie des fondements, ils sont très importants et il est obligatoire d'y croire et de les maîtriser. يقول ولا يكون المرء مؤمنا إلا بها, et le croyant ne peut être un réel croyant qu'avec ces choses qu'il a citées qui font partie de la foi. فيركز على هذه الأمور, et donc il doit donner l'importance à ces sujets, ثم على الصلاة بالتفصيل, et après il fait les détails de la prière, il donne l'importance en détail aussi à la prière, حتى يعرف الناس كيف يعبدون ربهم ويقومون بهذا الركن العظيم الثاني لأن الركن الأول شهادتان, et donc pour que les gens sachent comment ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment ils doivent accomplir cet énorme pilier, cet énorme deuxième pilier de l'islam qui est la prière, alors que le premier c'est l'attestation de foi. يقول ويعلمهم أمور الزكاة والصوم والحج وتحريم المحرمات من الزنا والفحش وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وسائر المحرمات التي يجب على المسلم أن يجتنبها كذلك الغيبة والنميمة وسائر الكبائر التي حذر منها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام وكثير منها يعني معروف لدى خاصة الناس وعامتهم. Et il leur apprend après ce qui concerne la zakat, ce qui concerne le jeûne, le pèlerinage. Et il leur apprend aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, comme l'adultère, comme le blâmable, comme l'interdiction de la boisson alcoolique et comme le fait de tuer injustement quelqu'un. Hein? Et toutes les autres interdictions et tout ce qui est illicite dans la religion que le musulman doit éviter. Et leur enseigne aussi l'interdiction de la médisance, du colportage et tous les autres péchés capitaux duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Allah subhanahu wa ta'ala avertit contre ces péchés capitaux ainsi que son messager alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces péchés capitaux dans son livre et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a cités dans sa sunnah, et beaucoup de ces choses sont connues chez les particuliers, chez les communs aussi. ولكن عندما يحدثهم الإنسان بعلم وبتفصيل وبسياق الأدلة يزيد الناس علما وبصيرة فتقوى في ملكة التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Dit mais quand, beaucoup de gens connaissent ceci, les particuliers et les communs, mais il dit mais quand on leur parle de ces sujets avec science et en détail, ou ramenant les preuves, ceci va donner encore plus de clairvoyance et plus de science aux gens, et ceci va fortifier la foi, il va fortifier la taqwa des personnes, et il va augmenter chez les personnes le fait d'observer Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs œuvres. يقول ثم من خلال هذا التعليم إذا جاء داع إلى التحذير من البدع يحذر منها على وجه العموم، وإذا كان هناك من له نشاط في نشر البدع والضلالات فيذكر هذه البدع وينسبها إلى قائلها ويفندها بعلم وحكمة لا بقصد التشفي ولا بقصد الطعن في الناس والتشويش، فإن هذه المقاصد السيئة قد تحول هذا العمل إلى معصية. Il dit, et à travers cet enseignement, s'il y a une nécessité d'avertir contre les innovations, qu'il avertit d'une façon générale. Et s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire un innovateur, qui a des efforts et qui fait beaucoup d'efforts à propager les innovations et les égarements, qu'il cite ces innovations et qu'il les attribue à celui qui les a dit, c'est-à-dire en le désignant, et qu'il anéantisse ces innovations avec science et avec doigté, avec sagesse. Ils cherchent pas avec ça le fait de dénigrer la personne, de le rabaisser et de perturber les gens. Non, car ces mauvaises intentions vont faire que cette personne va tomber dans une son acte va être une désobéissance après. Quand il fait l'avertissement, il le fait pour Allah et pour conseiller les gens. Et non pas pour rigoler de quelqu'un, ni pour le diminuer de sa valeur, ni pour le rabaisser. Abadan. Et vous avez vu tout ce que nous avons cité durant le week-end sur comment ceci doit être fait et par qui ça doit être fait, et que le but doit être toujours Allah. Et aussi qu'il ne faut pas mentir sur la personne. Ces paroles telles qu'elles sont, etc. فالمرء يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا النصح وبهذا التحذير، يريد بذلك وجه الله وحماية الناس من الأضرار التي تلحقهم في دينهم وتعرضهم لسخط الله في الدنيا والآخرة، يكون هذا مقصده مقصدا ساميا، يريد بذلك وجه الله ونفع الناس وإبعادهم عن الشر وما يضرهم في دينهم ودنياهم. إيه L'être humain, avec cet acte qui est l'avertissement, il doit chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être pour lui un acte avec lequel il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce conseil, cet avertissement, c'est un acte d'adoration. Donc, il y met les conditions des actes pour qu'il le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut avec son acte, et son conseil, son avertissement, la face d'Allah, la récompense chez Allah. Protéger les gens du mal qui va en découler de ces innovations dans leur religion et qui va les exposer s'ils rentrent dans ces innovations, qui va les exposer à la colère d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Ça doit être son noble but. Ça doit être son but, ça doit être ça. Et c'est un noble but. Et il veut avec la face d'Allah être bénéfique pour les gens et éloigner les gens du mal. Et éloigner les gens de tout ce qui va faire le mal dans leur bas monde et dans leur au-delà et dans leur religion. يقول فالطريقة والأسلوب يختلف من شخص إلى شخص ولكل حادث حديث كما يقال ويرى الحاضر ما لا يراه الغائب والمواقف تعلم الإنسان كيف يتكلم كيف يعالج مثل هذه المشاكل ليس هناك قالب واحد وصورة جامدة يبقى على طول الحياة الإنسان يلتزمها وإنما هي مواهب من الله وعطاء من ربنا سبحانه وتعالى يوفق الله أناسا فينفع الله بهم Il dit quant au style les styles différents sont différentes d'une personne à une autre. Mais l'asr dans l'avertissement, c'est quoi? C'est le livre, la sunna, et l'authentique de la sunna et la voix des autres. Maintenant, comment les véhiculer? Ça dépend, c'est différent d'une personne à une autre. Et à chaque événement, il a un discours qui est adéquat à cet événement, comme il est dit. Et celui qui est présent dans un lieu, il sait mieux comment il doit agir dans ce lieu que celui qui est absent, qui ne connaît pas le lieu. et les positions devant lesquelles se trouve le prêcheur et le demandeur de science, c'est là où il apprend comment s'adresser aux gens. Mais toujours dans sa façon de s'adresser, il ne sort pas du fait qu'Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la voie et les positions du pieux prédécesseur, ça ne se discute pas, ça ne change pas. C'est juste au niveau du style, le style de la personne qui change, d'une personne à une autre. Et donc les positions vont apprendre à la personne comment remédier, comment corriger ses problèmes et comment orienter vers le mieux. Il n'y a pas un moule unique, une image stagnante comme ça, qui reste comme ça tout le long de la vie de l'être humain. Il va se cramponner à ce style jusqu'à la fin de sa vie. Non. Ce sont des dons min Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certaines personnes, hein, pour qu'ils deviennent bénéfiques aux gens. Hein? يقول ويحاول الداعية إلى الله سواء كان إمام مسجد أو غيره أن يضع نصب عينيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذه ترسم جانبا من جوانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل ترسم أصولا من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أن يضع المسلم نصب عينيه يعالج بها المشاكل ويفيد بها الناس ويذهب بهم إلى دين الله الحق، هذا ما قوله أقوله إجابة على هذا السؤال. انتهى كلام العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتع به. Il dit, le prêcheur vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit imam de mosquée ou autre, il doit avoir devant lui ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci: appelle vers la voie de ton souverain avec hikma et avec bonne exhortation, et polémique avec eux de la meilleure des façons. Il dit, ce verset te trace l'un des côtés de la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que ça, il te donne les fondements de la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit l'avoir en face de lui, toujours. Hein? Avec ces fondements qu'il y a dans ce verset, il remédie avec aux problèmes qui sont exposés. Et il fait profiter, à partir de ces fondements, il fait profiter les gens. Hein? Et il les tire, il les draine, il les amène vers la religion véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ça, c'est ce que je dis concernant cette réponse. Et ici s'arrête la parole de son éminent Cheikh Rabi' Hafdallah. وقال حفظه الله أيضا في مجموع كتب ورسائل وفي فتاوى الشيخ ربيع في الصفحة 282 إلى 283 في المجلد الرابع عشر: الناس كانوا يقرؤون كتب الفكر المنحرف كثيرا وكثيرا، والمكتبات متخمة ومليئة بكتب الضلال والبدع، ولا يتكلمون بما يتلى هذا الأسلوب. فلما أقبل الناس على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ووجدوا من الكتب ما يحذرهم من البدع والضلال، قالوا: لا تشتغلوا بهذه الأشياء، لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأشياء، لا تتركوا العلم. الشيخ حفظه الله تعالى، الشيخ ربيع toujours dans ce qui est cité ici, il dit, comme il est écrit dans son l'ensemble de ses recueils, tome 14, page 282, les gens avant lisaient les écrits de penseurs, et les écrits avec la pensée déviante. Hein, ils lisaient beaucoup de ces livres. Et dans les librairies étaient bondées de ces livres, de pensées déviantes et de livres d'égarement. Les librairies étaient pleines de ces titres de l'égarement. Et les gens ne parlaient pas comme ça, c'est-à-dire ils ne disaient pas non. Ils laissaient les gens les lire. Ils n'avertissaient pas contre ces livres. Et quand les gens se sont penchés, et ils ont accueilli d'un grand accueil les livres de la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, ils ont trouvé dans ces livres qui sont écrits selon la Sunna et selon le livre avec la voie et la compréhension du prédécesseur, et dans ces livres, ils trouvaient l'avertissement contre l'égarement et les gens de l'égarement. Les autres, ils se sont enlevés. Ils disent, ne vous préoccupez pas avec ça. Hein? Ça va vous détourner de l'apprentissage de la science. Avant, quand ils étaient penchés sur les livres de Sayyid Qutb, hein, les livres de Sharani, les livres des grands éclatés, personne ne parle. Et maintenant, quand ils sont penchés sur des livres qui les avertissent contre Sayyid Qutb, contre le Qaradawi, contre Aïd al-Qarni, contre le Houayni, contre Mohamed Hassan, l'Arifi, le Mohraoui, l'Adnan Ar'our, Abd al-Qadir Shouala, non, attention, ça va vous. Où êtes-vous avant quand les gens plongeaient dans l'égarement et dans les livres de l'égarement? Comment vous pesez? Quelle balance vous utilisez? Où est la justice? Vous prétendez être juste et avoir l'équité, où il est dans ces cas-là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et que nous devons être éveillés devant ce qui se trame entre, devant nous. Hein? Nous ne devons pas avoir la tête comme l'autruche. Hein? Abadan akhal islam, sois éveillé. يقول الشيخ ربيع حفظه الله هذه الردود من العلم معرفة الهدى من الضلال ومعرفة الخير من الشر هذا والله من العلم الواقي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دي سي ريبليك فون بارتي دو لا سيونس le fait de connaître la guidance et l'égarement et le fait de connaître le bien et le mal ça par Allah ça fait partie de la science qui protège كما يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني comme il a dit notre pieux prédécesseur حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه les gens posaient des questions à Rasul صلى الله عليه وسلم sur le bien et moi je lui posais des questions sur le mal pour que je n'y tombe pas. Simple. C'est un pieux prédécesseur. Et il posait des questions à Rasulullah sur quoi? Sur le mal. Pour qu'il en soit averti. Pour qu'il ne tombe pas dedans. Et Hada, Hudaïfa, ça fait partie du ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on les suive ou pas. Donc, c'est une voie agréée min Allah Azza wa Jal, le fait de connaître le bien et de connaître le mal pour ne pas tomber dans le mal à l'islam. Hein? Il ne te fait pas avoir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. يقول فلا بد من معرفة كتب أهل البدع والضلال يعني عن طريق هذه الكتب التي تنتقدها وإلا ما ضاع كثير من الشباب إلا حينما فقدوا مثل هذه الكتب التي تحصنهم فهذه الكتب فيها تحصين للشباب il dit حفظه الله تعالى il est obligatoire de connaître les livres de l'innovation et les livres des gens de l'innovation de l'égarement. Mais de les connaître à travers les livres qui les critiquent et qui montrent le faux qu'il y a dans ces livres. Et il dit, Hafidallah, qu'est-ce qui a fait perdre beaucoup de jeunes quand ils n'ont pas eu entre leurs mains ces livres qui les immunisent contre l'innovation et l'égarement? Parce que ça, comme il dit, Hafidallah, ce sont des livres d'immunisation qui t'immunise à l'islam contre l'égarement et contre les innovations et qui immunise la jeunesse. Et là, toi, pour t'immuniser contre une maladie, tu fais un vaccin. Les livres de la réplique, c'est la même chose, c'est le même rôle. Ils t'immunisent, ils te protègent et ils te donnent une façon de te protéger contre l'innovation et l'égarement. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وأنا أمثل من يربي ولا يحصن ولا يضع حماية للشباب كمن زرع وتأتي الحيوانات والحشرات والتعالب و إلى آخره فتأكل هذا الزرع فإذا ما فيه سياج ما فيه حماية وهو التحذير من البدع ضاع الناس il dit حفظه الله moi je donne un exemple celui qui éduque et qui n'immunise pas et il ne donne pas des choses pour que les gens, les jeunes puissent se protéger et puissent s'immuniser, ben celui-là c'est quelqu'un comme quelqu'un qui laboure un champ et qu'il ne l'entoure pas, il ne le protège pas, il le laisse comme ça. Les mauvaises herbes viennent, grignotent. Les animaux, les renards, etc. Donc il y a des dégâts dans ce champ après. Les animaux vont venir, ils vont faire le ravage, ils vont tout manger, tout gaspiller. s'il n'y a pas de protection. Il dit la même chose. S'il n'y a pas l'avertissement, si on n'avertit pas les gens contre les innovations et les garments, ben ils vont être perdus. Hein? Ils vont être perdus. يقول لهذا نجح السلف إلى حد بعيد وعليكم السلام ورحمة الله إلى حد بعيد عندما استخدموا أسلوب التحذير من أهل البدع نجحوا في الحفاظ على السنة والجماعة فلما هدم هذا الصور وخفت العناية بحماية المجتمع السني من غزو أهل البدع غزاهم أهل البدع فاحتووهم فانتشرت القبور والخرافات إلى آخره. Il dit, c'est pour ça que Salaf ont réussi quand ils ont utilisé ce style, l'avertissement contre eux, les gens de l'innovation. Ils ont réussi à protéger la Sunna et le groupe. Mais quand ce rempart d'avertissement a été détruit et tombé en ruine, et il n'y a plus personne qui protège la société sunnite de l'invasion des gens de l'innovation et des batailles que mènent les gens de l'innovation ont vaincu les gens de la sunna et ils les ont continué tirés vers eux. Et ainsi s'est propagé les tombes et l'adoration des tombes et les histoires à dormir debout. Et les voix et les pensées et les tendances qui sont en divergence avec la sunna et avec la voix des plus prédécesseurs de Douanallah. Et regarde à travers la planète. D'Afrique du Nord jusqu'à d'Afrique noire jusqu'à l'Asie, regarde ce qui se passe. Le seul pays qui est plus ou moins protégé, c'est là où il y a ces grands hommes qui défendent la sunna et qui répliquent aux gens de l'innovation et qui avertissent contre les gens de l'innovation. Et encore, il y a eu un moment donné où ceci ne s'est pas fait, ce qui a fait qu'ils ont fait confiance à des innovateurs, et ces innovateurs ont fait des poussins, qui sont devenus des grands cavaliers de l'innovation maintenant. Et quand on les désigne avec le doigt, les Aïd al-Qarni, les Salman, les Arifi, les Mounajid, vas-y, la liste est longue. يقول هنا في هذه البلاد كانت في حماية جيدة ضد أهل البدع فجاء هؤلاء ولبسوا لباس السنة فخدعونا وما وجدوا حماية فأخذوا شبابنا. Il dit حفظه الله تعالى, il le reconnaît parmi ceux qui le reconnaissent, et beaucoup d'autres parmi les dignes de la communauté le reconnaissent. Il dit dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, comme à un moment donné il n'y avait pas une protection très forte, une réplique très forte aux gens de l'innovation, ceux-là sont arrivés, ils se sont déguisés avec le déguisement de la sunna, ils nous ont trahis, ils ont pris notre jeunesse. Allah al-musta'an. يقول هذه الكتب من يريد الحق والله يقرأ فيها يجد فيها التمييز بين الحق والباطل ويجد حينها حصانة وحماية من الأمراض وكما نحصن ونطعم أطفالنا من الأمراض ونعنى بذلك عناية شديدة وكذلك يجب أن نعنى بعقول أبنائنا فنحميها ونحذرها ونوعيها حتى تستطيع أن تميز بين الخير والشر. انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتبع به. Il dit, c'est-à-dire les livres de la réplique. Celui qui veut la vérité, par Allah, il lit dans ses livres. Et il va voir comment la vérité est claire. Il va voir comment il est la vérité. Il va faire la part des choses entre la vérité et le faux. Et il va trouver une protection, une immunité dans ses livres. Et ses livres vont le protéger de ses maladies. Et il dit, comme nous protégeons nos enfants, et nous immunisons nos enfants, et nous choisissons les repas pour nos enfants contre les maladies pour qu'ils tombent malades, il est obligatoire pour nous aussi de s'occuper des raisons de nos enfants et de protéger les raisons de nos enfants. Et nous devons avertir les enfants et les éveiller pour qu'ils sachent faire la différence entre le bien et le mal. Ici, ça s'arrête cette citation. وسئل حفظه الله كما في مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ في المجلد الرابع عشر صفحة 277 هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم et la question lui a été posée toujours dans الشيخ ربيع حفظه الله تعالى toujours ceci cité du recueil 14 à la page 277 de l'ensemble des recueils Il dit, écrit le Cheikh Rabbi Hafdallahu Ta'ala, il dit, est-ce qu'il nous est permis, nos autres demandeurs de science, de se taire sur les innovateurs? Et tout simplement, d'éduquer nos jeunes et nos demandeurs de science sur la voie des pieux prédécesseurs, sans leur citer, sans citer les innovateurs, et on se tait, on ne cite pas les noms des innovateurs. Fakana jawabuhu, Wallahi yudhkaruna bi awsafihim, wa yudhkaruna bi asma'ihim, idha da'ati l'haja. فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلا بد من ذكر اسمه Il dit حفظه الله تعالى dans sa réponse Par Allah, on les cite avec leur description et on les cite avec leur nom s'il y a besoin de les citer avec leur nom Il dit c'est tel Il a pris, il est devenu le leader de la communauté, et le leader des jeunes, et il les traîne vers le faux. Il faut le citer par son nom. C'est le besoin, sans ressent, il faut les citer par son nom. Obligatoire de le citer avec son nom. يقول وبال مناسبة تفطن خل الإسلام أحد السلفيين في مصر كان يدرس وهكذا عمومات وعمومات. فما يفهمون ثم بدأ يصرح بالجماعات وبالأشخاص قالوا ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول قال أنا كنت أعطيكم كثير من الدروس وأقول لكم كذا وكذا وأقول لكم كذا وكذا قال والله ما فهمنا درسنا كتب الفرق والمذاهب وحفظناها حفظا وما ذكروا الفرق المعاصرة التبليغ والإخوان وغيرهم ما ذكروهم فما نراهم مبتدعة حتى طلعنا على حالهم ودرسناهم فرأينا ضرورة ذكرهم Regarde, il nous cite un exemple, il dit à l'occasion, certains salafis en Égypte, avant ils enseignaient que des généralités, ils restaient dans les généralités. Et ceux qui sont devant lui, ils n'ont pas compris. Il restait dans les généralités pendant un laps de temps. Et à un moment donné, il a commencé à parler des groupes et des individus. Et l'assemblée de ses étudiants dit, pourquoi cher? Pourquoi tu ne nous as pas appris ceci dès le départ? Il dit, au début, je vous donnais des leçons et je vous dis ceci, cela, etc. On dit, par Allah, nous n'avons rien compris. Ils lui ont dit, nous avons lu les livres qui ont été écrits sur les groupes, sur les tendances. Nous les avons mémorisés. Mais ils ne citent pas les groupes contemporains, Tbler, l'Ikhwan et autres. Hein? Et donc on ne voit pas que l'Ikhwan et Tbler sont des innovateurs. Jusqu'à ce que nous avons su leur situation, nous avons étudié leur situation. Et à ce moment-là, nous ne voyons qu'elle est obligatoire et, c'est une nécessité de le citer. يقول فالحمد لله يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصرحون بأسمائهم ولله الحمد وهذا واجب يعني إذا كان ما في خطر لا بأس ولا داعي لذكر الأسماء إذا كان في خطر وهم يجرون الشباب أوساطهم بل يأخذون بأزمتهم بل يحاربون بهم أهل السنة فيجب ذكر أسمائهم يذكر أسماؤهم ولا كرامة لهم قالوا إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك هذه نظرتهم إلى العلماء يعتبرونهم كفارا خوارج يعني في غاية الغلظة نسأل الله العافية Il dit حفظه الله تعالى La louange est à Allah que certains chouyukh maintenant avant ils n'osaient pas citer les noms et maintenant ils commencent à déclarer les noms Il a louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit ça, c'est une obligation. Il dit du moment qu'il n'y a pas un danger pour la personne, ici, il doit citer les noms. Et s'il y a un danger, il ne cite pas. Il dit parce que ces leaders et ces groupes et ces tendances tirent les jeunes vers leur milieu. Hein? Et avec ces jeunes, ils font le combat des gens de la Sunna. Ils combattent les gens de la Sunna avec ces jeunes, avec les ambiguïtés qu'ils leur donnent et ainsi de suite. Et donc, il est obligatoire de citer leur nom. Et on cite leur nom, ils n'ont aucun honneur. Toi, en Belgique maintenant, tu as un problème de citer un nom? Dis que les hommes de science ont dit d'Idol Allah et que c'est un égaré égareur. Où est le problème pour toi? Hein? Donc, tu ne dois pas tomber dans cette innovation. Du moment que tu te contentes de transmettre la parole des hommes de science. Les hommes de science, voilà ce qu'ils ont dit sur Abu Ishaq al-Huwayni. Voici l'audio. Voici l'écrit, ce qu'ils ont écrit. Les hommes de science, voici ce qu'ils ont dit sur le Qaradawi, voici ce qu'ils ont dit sur le Mghraoui, sur Abu Ishaq al-Huwayni, ainsi de suite. Où est le problème pour toi? Hein? Qalo. Et en plus de ça, regarde ce qu'ils disent. En enfer, Ibn Uthaymeen, à l'éternité, toi et tes disciples, ayadan billah, ça c'est leur vision des hommes de science. Ils les considèrent comme des mécréants. Ces khawarij sont d'une sévérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ici s'arrête la citation du Cheikh du livre de Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala. ومن أجل أن يتبين هذا الأمر بجلاء للإخوة القراء أحببت أن أذكر لهم هذه الأدلة والآثار والنقول التي تدل على بطلان قاعدة عدم إشغال العوام بمسائل الجرح والتعديل أو عدم التحدث بالتحذير من فلان وفلان وبيان مناهج في مجالس العوام. Il dit, celui qui a réuni tout ça, qui l'a mis sur sahaba. Il a cité Cheikh Mohamed Ibn Hadi, Cheikh Rabih et les anciens, Ibn Battah, Cheikh l'Islam, etc. Il dit, pour que la situation devienne claire aux lecteurs, j'ai aimé leur citer certaines preuves, hein, du livre de la Sunna et des paroles d'hommes de science, qui prouvent le nul de cette règle que maintenant certains propagent, qui est, il ne faut pas préoccuper le commun, et les nouveaux convertis, et les nouveaux demandeurs de science, et les novices, par le jahou ta'dir, par la réfutation et l'éloge. Et il ne faut pas parler devant eux des avertissements qu'il y a eu contre tel, tel, tel. Et il ne faut pas parler des voix des innovateurs devant l'awam. Hein? Et c'est une énorme ambiguïté. Yaqul fa min al-ayat al-Qur'aniya. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Et parmi les versets qui te montrent la nullité de cette règle, c'est ces divergences avec la sunna, c'est ce verset qui dit vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal. Ordonner le bien et blâmer le mal. Fait-il partie de la réfutation et de l'éloge ou pas? Vous êtes la meilleure des communautés qui est, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour les hommes, pour les humains. Ces humains, ils sont constitués par qui? Les communs, les nouveaux étudiants, les convertis, les, etc. Ou là on les sort. Hein? Ou les communs, et les convertis, et les nouveaux étudiants, où on ne les fait pas rentrer dans le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. On ne les avertit pas contre le mal. On ne les oriente pas vers le bien. Quel conseil on est pour eux dans ces cas-là? Où est le conseil pour eux? ويقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Il dit, ceux qui cachent ce que nous avons descendu comme éclaircissement et comme guidance, après là, avoir éclairé les humains dessus dans le livre, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, et tous ceux qui maudissent vont les maudire. Et c'est encore après avoir donné les éclaircissements aux humains. Ils rentrent dedans le commun, il est nouveau ou pas? Et les nouveaux qui sont rentrés rentrent dans les gens ou pas? Ou comment on peut les sortir? qu'avec deux versets, tu mets cette règle aux oubliettes. Hein? يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Dans l'autre verset, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte sur ceux qui ont réussi le livre, qu'ils doivent éclairer les gens sur le livre. Et les gens, le commun rentre dedans. Les nouveaux étudiants rentrent dedans. Les nouveaux convertis rentrent dedans. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَإِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Il dit de son messager, nous t'avons envoyé pour tous les humains. Et c'est entre les jeunes et les humains. Et dans les humains, tu as l'awam, tu as tout le monde rentre dedans. Ah, comment tu peux les sortir? Hein? وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Ça c'est un éclaircissement pour les gens, et une guidance pour les gens, et une exhortation pour ceux qui préservent les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. Ça c'est une transmission pour les gens et pour qu'ils soient avertis avec. Rentre dedans tous les gens sans exception. Hein? وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Nous t'avons descendu la révélation pour que tu éclaires les gens sur ce qui leur a été descendu. Allez, montrez-nous comment vous sortez l'awam de ces versets et comment, d'où vous tenez cette règle. Hein? إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Nous t'avons descendu le livre pour les gens avec la vérité. Celui qui se guide, c'est pour lui-même. Celui qui s'égare, c'est à son détriment. Et tu n'es pas responsable d'eux. Vas-y. Il a parlé de tous les gens. Tout le monde rentre dedans. Le commun, les nouveaux convertis, les nouveaux qui commencent l'apprentissage, les hommes de science, tout le monde. Hein? Sans exception. يقول الجامع فهذه الآيات تدل على أن الحكمة من إنزال الكتاب وإرسال الرسل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان والبلاغ وإرشاد الناس وإصلاحهم. Et celui qui a réuni tout ça, il dit, ces versets prouve que le but pour lequel les livres ont été descendus et pour lequel les messagers ont été envoyés, c'est d'appeler vers Allah et d'ordonner le bien et de blâmer le mal et de faire les éclaircissements et de faire la transmission et d'orienter les gens vers ce qui va faire leur bien dans ce bas monde et dans le delà. وكلمة الناس في هذه الآية وردت بصيغة العموم وهنا آل الاستغراقية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا كافة للناس أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et cette parole, les gens, الناس, les humains, hein, dans ces versets, il est venu avec l'expression, c'est une expression qui exprime le général, dire tous les gens, sans exception. Hafid ibn Kathir dit sans une exégète, quand cette parole que Allah subhanahu wa ta'ala a adressée à son serviteur et son messager, quand il lui a dit nous t'avons envoyé à tous les gens, dire pour toutes les créatures qui sont à qui il t'a adressé le message, à qui il t'a adressé le fait de se soumettre à Allah et d'accomplir, c'est-à-dire ceux qui sont pubères, qui ont atteint le mukallafin, qui ont atteint l'âge de la puberté. C'est comme qu'on y dit dans notre verset, dis aux gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous, sans exception. فلا يخص قوم دون قوم بهذه، فلا يخص قوم دون قوم بهذه الدعوة والبيان، بل إن عوام الناس يدخلون في ذلك دخولا أوليا، لأنهم كثيرا ما ينخدعون بالأحبار والرهبان وعلماء السوء وشبهاتهم، فالحرص على إرشادهم وهدايتهم وبيان الحق لهم والتحذير من الباطل واجب على العلماء والدعاة والمصلحين. إذنك on peut pas faire une exception au commun. Tous ils rentrent. Hein? On peut pas dans la da'wa faire une exception. Hein? Les communs on les met de côté. Les communs rentrent en priorité dans la da'wa et dans les éclaircissements. En priorité. Car c'est eux qui se font avoir par hein, ceux qui ont la science et par les hommes de science du mal. Et ils se font avoir par leurs ambiguïtés. Donc le fait de tenir à les orienter et à les guider et à leur montrer la vérité et à les avertir contre le faux, c'est une obligation pour les hommes de science et une obligation pour les prêcheurs et une obligation pour les réformateurs qui veulent réformer sur la voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Naam. بعض المسائل الدقيقة الخفية قد لا تدركها عقول بعض العوام من الناس، فلا يمكن مخاطبتهم بها إلا على سبيل الإجمال لئلا يكون لهم في ذلك فتنة قد تسبب التكذيب بالحق ومعاداة أهله أو كراهة أن يفهموها فهما خاطئا. ها سخت certains sujets minutieux et profonds, certaines raisons ne peuvent pas les capter parmi l'awam. Donc il ne faut pas s'adresser avec eux. Hein, nous, le fait de leur parler des causes, des défauts du hadith. Qu'est-ce que il veut que tu lui apprends? Hein, peut-être que ceci va lui donner du doute sur le hadith. Donc tu lui parles sur des choses qu'il comprend. Hein, tu ne vas pas l'amener sur des sujets très fins, très minutieux, profonds. Abedan. Hein? Après, ça va devenir une fitna pour lui. Tu lui parles en général. Il y a un hadith da'if, il y a un hadith authentique, et kada et kada. C'est tout. Pour ne pas le perturber. Et pour ne pas qu'après, il commence à prendre le vrai pour le faux. Il a dit laisser le vrai parce qu'il ne le comprend pas. Hein? Comme maintenant, regarde. L'awam. Quand on t'a paru ces sororés à faire des débats avec Rawafid sur les chaînes de télé. Regarde, tous des chauffeurs de taxi à travers le monde arabe, un peu partout, qui insultent Mouawiya et Abou Bakr. Donc là, c'est de les avoir amenés sur un terrain qu'ils ne peuvent pas capter. Hein? Ils ne sont pas immunisés, ils n'ont pas les capacités pour... Voilà. Regarde ce que ça a fait. Et après, Hadou même, qui ont fait ça, c'est eux qui disent, qui ont instauré cette règle. Non, les awam, il faut les préserver, il ne faut pas leur lire le rodod. Tout le monde, vous les amenez à pire. Vous les avez induits dans le fait, à tel point, une fois, je sors de la mosquée de mon quartier, je tombe. Allez, on va aller voir le manar. Le manar, c'est cette télé chiite, a'oudou billah. Et tu lui vois comment il parle de Nasrallah, etc. Subhanallah. Hein? Et je ne sais plus, la Moustaqillah, etc. Oh, subhanallah. Et dedans, il voit comment Hadou, ils sont courageux, ils parlent des défauts qu'avait Uthman, qu'avait cela. A'oudou billah, tu vois, vous parlez de qui? Uthman, c'est votre copain. L'ayadan billah. Outman, c'est Don Norain, c'est l'un des grands khalifs de la communauté. Hein? C'est l'homme qui a armé toute une armée. Toute une armée, son pactage, il l'a donné. C'est l'homme au moment où les musulmans ont soif, il n'y a pas d'eau, il a acheté. C'est l'homme qui était marié à deux filles du prophète, alayhi salam. Chaque fois qu'une est morte, il se marie avec l'autre. Hein? Après vous venez vous parler, etc. Tout ça à cause de quoi? Parce que ces insensés qui ont instauré ces mauvaises règles, c'est eux-mêmes qui parlent au commun avec des sujets qu'ils ne comprennent pas. Qui mérite le blâme? Ce sont les pieux prédécesseurs, ceux qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs, ou là ces insensés? Regarde. Ramatni bida'iha wa nsallat. Hein? Les défauts qu'il a, il te jette avec. Il te les jette sur toi, il s'éclipse. Et c'est lui. L'aïda n'billah. يقول ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وذكر أثر علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وحديث معاذ رضي الله عنه أفلا أخبر به الناس فيستبشروا فقال له صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا. Et c'est pour ça que l'imam Bukhari, rahimahullah, il a ouvert un chapitre non son authentique, chapitre, hein, celui qui hein, fait particulier une science pour certaines personnes et pas pour d'autres, par peur qu'ils ne le comprennent pas. Hein. Et il a cité la parole de Ali radiallahu anhu arda, parler aux gens avec les choses qu'ils comprennent. Vous voulez hein, que les gens prend comme mensonge la parole d'Allah et le messager d'Allah. Et il a cité le hadith de Mu'adh radiallahu anhu arda, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé quelque chose, il a dit, alors je vais l'annoncer aux gens pour qu'ils aient la bonne nouvelle. Il a dit, non, ne leur annonce pas, sinon ils ne vont plus rien faire. Ils vont s'appuyer sur cette bonne nouvelle. Lakin, at-tahdir min fulan mubtadi' الذي يتأثر بمنهجه ودعوته بعض العوام المبتدئ في طلب العلم ليس من هذا القبيل. Mais il faut faire très attention. Le fait d'avertir contre tel innovateur dont la voix va influencer certains des communs et certains nouveaux dans la demande de la science, ça ne fait pas partie de ce chapitre-là. Abadan. Abadan. وبخاصة المخاطبة العامة في مسائل ظاهرة عندهم يذمونها ويعرفون آثارها السيئة مثل التنظيم الحزبي والعمل السياسي والمظاهرات والخروج على الحكام والتكفير والتفجير والدعوة إلى وحدة الأديان والتقريب بين الطوائف الضالة والطعن بالأنبياء والصحابة والأئمة المشهورين والعلماء الكبار والثناء على رؤوس الضلالة وأئمة الباطل ودعاة الفتنة والشر إلى غير ذلك. Et surtout quand tu parles au commun des sujets qui sont clairs pour eux, et des sujets qu'eux-mêmes ils blâment, parce qu'ils savent le mauvais impact que ça a. L'organisation Hizbi, hein, l'organisation de parti, l'activité politique, les manifestations, le fait de se révolter contre le gouverneur, le fait de rendre mécréants et de poser des bombes, le fait d'appeler vers l'unicité des religions, le fait de vouloir rapprocher, hein, faire du rapprochement entre les groupes éclatés, les gens de la sunna et les groupes éclatés, le fait de critiquer les prophètes et de critiquer les compagnons et de critiquer les grands hommes de science connus dans la communauté, et le fait de faire des éloges aux têtes de l'égarement et aux imams du faux, et de faire des éloges aux prêcheurs de la fitna et du mal, et ainsi de suite. Tout ceci, le commun, il le sait. وكثير من عوام الناس يفهمون خطاب أولئك المبتدعة في محاضرتهم وخطبهم ويتأثرون به وقد يقومون بنشره والاحتجاج به في بعض مجالسهم فمخاطبتهم بالتحذير من ذلك ومن باب الكلام معهم فيما تدركه عقولهم وتفهمه فهم ليسوا كالدواب التي لا تعقل أو لا تفهم بل لهم عقول وأبصار وأسماع يميزون بها. Il dit, beaucoup parmi ce commun comprennent le discours de ces innovateurs à travers leurs conférences, à travers leurs khutab, et ils sont influencés par le discours de ces innovateurs. Et des fois, ils propagent le discours de ces innovateurs, ils le prennent comme preuve dans leurs assises. Donc le fait de leur parler et d'avertir contre ces innovateurs, ça fait partie du fait des choses qu'ils comprennent et que leur raison capte. Et ça fait partie des choses qu'ils comprennent, du sujet qu'ils comprennent. Ils ne sont pas comme les animaux qui ne raisonnent pas, qui n'ont pas de raison, qui ne comprennent rien. Ils ont des raisons. Hein? Ils ont des... Lui, ils écoutent. Ils font la part des choses. يقول أما بعض عوام الناس الذين لا يفهمون خطاب المبتدعة أصلا ولا يدركون المسائل التي يتحدثون فيها، فمثل هؤلاء لا يخشى عليهم من أمثال هؤلاء، وليس هناك مقتضى لذكر هذه المسائل لهم وإشغالهم بها، لكن هؤلاء قلة بالنسبة لغالب العوام الذين لهم عقول تدرك الخطاب وتفهم المسائل الظاهرة المشار إليها آنفا، فلا يحتج علينا أحد بأمثال هؤلاء القلة لتثبيت أصله عدم إشغال العوام بمسائل الرد على المخالفين والتحذير من المبتدعة بأعيانهم ومناهجهم. Il dit quant à certains عوام qui ne comprennent pas le discours de ces innovateurs à l'origine et qui ne comprennent pas les sujets avec lesquels parlent ces innovateurs. Cela, il n'y a pas à craindre pour eux de ces innovateurs. Il n'y a pas à citer ces sujets devant eux, ni à les préoccuper avec les répliques. Et cela, par rapport au nombre des awam, ils sont, c'est un petit nombre. Par rapport à la grande masse des awam, ce n'est qu'un petit, ceux qui ne comprennent pas, c'est un petit nombre. Et le reste du Raman, des Awam, ils sont plus nombreux ceux qui comprennent et qui ont des raisons avec lesquelles ils captent le message et qui comprennent les choses qui ont été citées tout à l'heure. Donc on ne vient pas prendre comme preuve contre nous cette petite minorité pour confirmer cette fausse règle et cette ambiguïté qui est le fait. Il ne faut pas préoccuper le commun avec les sujets de la réplique aux divergents, et avec le fait de répliquer aux innovateurs, et avec le fait de citer les innovateurs, et ainsi de suite. Wa min al-ahadith ma akhrajahu al-shaykhan fi sahihihima an tamim al-dari anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal ad-dinu al-nasiha qulna liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما أخرجاه أيضا عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Il fait partie des hadiths qui prouvent que l'awam doivent être avertis contre les innovateurs et les innovations, ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, l'imam Bukhari. Tamim Dari, le hadith du Tamim Dari, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil, il l'a répété trois fois. Les compagnons l'ont dit, pour qui ya Rasoul Allah? Il a dit pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les hommes de science et les gouverneurs de cette communauté des musulmans, et pour le commun des musulmans. Et dans le commun, Nasiha implique que tu l'avertis contre les innovateurs et contre l'innovation. Et ce commun rentre dedans les nouveaux, dans l'islam, rentrent dedans les nouveaux dans les études, et ainsi de suite. Comment tu peux les sortir de ce hadith et en faire l'exception? Tu ne peux pas. Le hadith, il est clair. À moins que tu aies une compréhension de quelqu'un d'autre. Ou une compréhension de gens qui instaurent des règles de leur tête. Et dans notre hadith, toujours rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hada, Jarir ibn Abdillah, il dit, j'ai fait l'allégeance au messager alayhi salam, que je dois accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, et donner le conseil à tous musulmans, rentre dedans les nouveaux musulmans, les débutants dans la science, le commun des musulmans, tout le monde rentre dedans. Comment on peut le sortir à l'islam? فهذان الحديثان نصان صريحان في أن العوام يدخلون في باب النص، ومعلوم أن التحذير من المبتدعة بأعيانهم وبيان حرافهم انحرافاتهم المنهجية والرد عليهم يدخل في النصيحة الشرعية. Et donc, ces deux hadiths, pour ne citer que cela, sont clairs comme quoi le commun des musulmans rentre dans la nasiha, obligé de leur faire une nasiha. Et il n'y a aucun doute que tout un chacun sait que l'avertissement contre les innovateurs, en les désignant et en donnant des éclaircissements sur leur déviance, et comme quoi ils sont très loin de la voie des pieux prédécesseurs, et de leur répliquer, fait partie de là, du conseil légiféré. Comment on peut le sortir? Les choses sont très claires. قال الحافظ بن رجب البغدادي رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية. إذي Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, wa alaykum salam, rahmatullah, dans son livre, la différence entre le conseil et l'insulte, et le dénigrement. Il dit, dans ces cas-là, le fait de répliquer à ces mauvaises opinions, et à ces opinions qui sont fausses, et de montrer la vérité, que la vérité est contraire à ces fausses opinions, avec les preuves de la législation, ceci c'est pas quelque chose que les hommes de science détestent, abadan, mais c'est des choses que les hommes de science aiment. Ils font l'éloge à celui qui l'accomplit, qui le fait. Ils ne rentrent pas dans la médisance. Hein? Ils ne rentrent pas dans les sujets de la médisance, à l'islam. يقول فلو فرض أن حدا يكره إظهار خطأه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك. Il dit ici que supposons que quelqu'un n'aime pas que sa position qui est en divergence avec la vérité, son erreur qui est en divergence avec la vérité, y soit montrée. Ben, il faut pas prendre en considération le fait qu'il déteste. Hein, de donner des éclaircissements, de faire apparaître son erreur qui est différente à la vérité. فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة. Car le fait de ne pas vouloir faire apparaître la vérité parce qu'il est en divergence avec ta position, celui-là ne fait pas partie des caractéristiques louables. بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. دميلي دوار دميزلمو كلام كل vérité apparaisse et que les musulmans connaissent la vérité, que ce soit cette vérité correspond à ses positions ou là cette vérité est en divergence avec sa position. Et cela fait partie du conseil pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour la religion d'Allah, pour les gouverneurs et les hommes de science des musulmans et pour le commun des musulmans. Et ça c'est la religion que nous a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ba'da al-Hafid ibn Rajab وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. Il dit après ce passage, toujours les paroles à Ibn Rajab, et tout ceci c'est concernant les hommes de science qu'on prend comme modèle dans la religion, c'est-à-dire les dînes. Mais il dit compte concernant les innovateurs et les gens de l'égarement et ceux qui ressemblent, hein, qui se déguisent pour ressembler aux hommes des sciences, ils ne font pas partie d'eux. Ceux-là, il faut éclairer les gens sur leurs ignorances et montrer leurs défauts pour avertir les gens qu'ils ne les prennent pas comme exemple à l'islam. Et on arrête là, Inch'Allah, pour cette première partie de ce passage, et on reprend après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan.